Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Et si je vous dis Todd, vous pensez à quoi? Le Todd, ça s'écrit T-O-D. Et si je vous dis qu'un réseau de transport structurant peut nous y conduire, quelle destination voyez-vous? Bien, le Todd, c'est le sujet de notre chroniqueur architecte Éric Rivard, qui est aussi chargé de cours en design urbain à l'école d'architecture à l'Université Laval. Bonjour Éric. Bonjour Valérie, ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Puis je suis contente qu'on parle du Todd, cette petite bibite-là. Qu'est-ce que c'est? Mais pour arriver justement au Todd, ben prenons comme point de départ le réseau structurant de transport en commun. On dit structurant, mais en fait, structurant, qu'est-ce que ça va structurer, le réseau? Ah, excellente question. Est-ce que ça va structurer la forme urbaine autour. Exactement. Ben, c'est ça que ça devrait faire, en fait. C'est pour ça qu'on utilise le mot structurant. C'est que ça devrait nous aider à mieux structurer l'urbanisme de la ville, en fait. Le TOD, réglons-le tout de suite, l'abréviation, oui, l'acronyme. C'est un mot qui n'a jamais vraiment été traduit en français. Donc, c'est l'acronyme anglais et qui tient pour Transit Oriented Development, donc TOD, le TOD, et même dans le vocabulaire québécois, vous allez entendre parler de plus en plus de TOD, qu'on pourrait traduire par développement orienté autour des transports en commun. L'acronyme en français serait une espèce de... Et ce qui est pratique en anglais, bien, c'est que TOD ressemble à POD, et donc ça ressemble à quelque chose de compact, et c'est notamment l'idée, c'est de faire la ville finalement plus compact. C'est un modèle d'urbanisme qui est complètement à l'opposé du modèle d'étalement urbain qu'on connaît actuel. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pensé qu'une ville, c'était une espèce d'organisme vivant qui, un peu comme, une cellule, finirait par tout simplement se développer, j'imagine, par amniosynthèse à l'infinité, dans la banlieue, dans le monde rural, à l'infini, justement, en remplissant les trous. Ouais. Et donc, on imagine cette image de la grande marée d'huile qui se répand. Et le TOD, c'est complètement autre chose. C'est même un mode de développement urbanistique qui admet les sauts de moutons et qui pourrait admettre que dans une ville, tout ne se développe pas également. Si vous regardez, par exemple, une carte aérienne de la ville de Toronto, vous allez vous rendre compte que depuis quelques années, depuis longtemps même, il n'y a plus que des gratte-ciels au centre-ville de Toronto. Donc, vous avez ce super centre à Toronto où il y a des gratte-ciels qu'on connaît très bien. Et si vous regardez vers le nord, eh bien, vous allez voir le long des grandes avenues, tout à coup, surgir des gratte-ciels en plein milieu de nulle part. D'autres îlots de gratte-ciels. D'autres îlots de gratte-ciels qui surgissent. Et là, oh, il n'y en a plus. Et là, oh, 800 mètres plus loin, on a un nouveau gratte-ciel ou deux ou trois, et il n'y en a plus, et 800 mètres plus loin, et ainsi de suite. Et c'est un développement de TOD, c'est-à-dire que on fait une densification ciblée aux endroits où il y a du transport en commun structurant. Dans le cas de Toronto, ça s'est d'abord fait le long de la ligne de métro. Et donc, on peut reconnaître, en regardant le skyline de la ville de Toronto, on peut deviner où sont les stations de métro. Et maintenant, la ville de Toronto a même continué à développer ce système-là par de TOD, de Transit Oriented Development, autour des stations de tramway. Donc, il y a des conditions qui font qu'on peut mettre en place le TOD. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'en parler aujourd'hui, parce que avec l'arrivée de projets de transport en commun majeurs comme le REM à Montréal ou comme le réseau de transport structurant à Québec, vous allez entendre parler de TOD de tous les côtés. C'est-à-dire que d'abord, dans les outils de planification des villes, on va de plus en plus utiliser ce modèle de développement qui est un modèle de ville qui est orienté sur le transport en commun, donc qui, en principe, devrait limiter l'usage de la voiture. Mais en fait, à condition que... Parce que le TOD se développe autour des stations de métro, mais à condition que les lignes de métro ne sortent pas de la ville, sinon ça va quand même étaler. Ben, en fait, c'est que ce qu'on se dit, c'est que si on ne développe pas de cette manière-là, il y aura de toute façon une croissance ou un développement d'une autre façon. Donc l'idée, c'est plutôt de catalyser le développement immobilier autour des axes de transport en commun. Et donc, ce qui est intéressant, et il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ce mode de développement-là, et notamment Peter Calthorpe, qui est probablement le plus connu, qui est un architecte américain qui, au tournant des années 90, mais pendant toutes les années 80-90, a contribué au mouvement du nouvel urbanisme, un mouvement où on a voulu réinventer l'urbanisme nord-américain, notamment autour des anciens cœurs de ville. Ah oui. Et donc, on est allé voir qu'est-ce qui faisait que les cœurs des anciennes villes était intéressant au niveau urbain, vibrant et même beau la plupart du temps. Et là, donc, ils sont allés voir les conditions et souvent, c'était structuré autour du quartier de la gare, par exemple, ou d'un arrêt important de transport en commun. Et là, il y avait un milieu plus compact. Donc, ils ont mis en place carrément des principes d'organisation du TOD. Et il y en a plusieurs. Et c'est là que c'est intéressant de comprendre que pour être capable de mettre en place le TOD, il y a vraiment des conditions à respecter qu'on devrait respecter. Et je pourrais vous donner après quelques exemples de municipalités qui ont déjà, depuis plusieurs années, depuis même les années 90, orienté leur développement avec le TOD avec un grand succès. Donc, d'abord, on s'imagine que vous avez d'abord ce réseau structurant qui est mis en place. Ça peut être un métrobus, ça peut être un trambus, ça peut être un tramway, ça peut être un REM dans le cas de Montréal. Mais l'idée, c'est que c'est à haute fréquence. Donc, c'est pendant toute la journée, vous avez un transport en commun structurant qui relie plusieurs pôles d'emploi, des pôles commerciaux, des pôles de services de la ville. Et donc, à partir de ces stations-là, vous mettez en place un gradient de densité. Donc, vous avez d'abord le noyau de ce petit pôle-là qui se concentre autour de l'arrêt, de la gare, de la station, où il y a un espace public collectif qui doit être aménagé. Et là, vous avez de la densité un peu plus forte, directement autour de la gare ou de la station, pour ensuite Ça se dilue un peu pour finir avec une densité moyenne et même peut-être favoriser un arrimage avec les quartiers qui sont déjà existants. Parce que comprenez bien que le TOD ne doit pas se mettre en place nécessairement dans des terres vierges. L'idée, c'est plutôt de quand même garder l'idée de faire la ville sur la ville. Et d'ailleurs, le modèle de Vancouver est très intéressant parce que eux, avec leur SkyTrain, ils ont développé des TOD dans les centres commerciaux existants. Donc, c'est-à-dire, se sont servis des grandes marées de stationnement autour des centres commerciaux. Ils ont implanté les stations de SkyTrain à ces endroits-là où il y avait plein de vide et ils ont densifié autour des centres commerciaux existants et sur les centres commerciaux existants de manière systématique. Donc, très loin à Vancouver, vous allez en banlieue, vous trouvez ces vieux centres commerciaux des années 60-70 qui sont tous en train de devenir des TOD, des développements orientés sur le transport en commun, où les gens peuvent même habiter, travailler et, s'il le faut, se rendre dans le macro-centre de la ville de Vancouver. Donc, c'est un modèle qui est intéressant de ce point de vue-là. Il prend assise sur les rayons de marche qu'on a déjà parlé ensemble, donc le fameux 5 minutes, 400 mètres. Donc, dans ce premier rayon de 400 mètres, donc où tout est accessible en 5 minutes, dont notamment la station ou la gare, là, on retrouve une densité. On n'a pas besoin de prendre la voiture pour aller à la gare. Tout à fait. Et là, on trouve même une mixité de fonctions. Il peut y avoir autre chose que de l'habitation. Il peut y avoir du bureau, des espaces éducatifs, par exemple. Et c'est là que ça devient intéressant parce que la bibliothèque. Et on peut accepter donc que d'un TOD à l'autre, on puisse se rendre en transport en commun parce que dans un TOD, il y a par exemple un hôpital. Dans l'autre TOD, il y a une bibliothèque. Et donc, c'est facile d'aller de l'un à l'autre en transport en commun. Et c'est là que ça devient très intéressant. Et dans le deuxième rayon, celui qui est plutôt de 10 minutes de marche, donc 800 mètres, là, on retrouve des espaces résidentiels d'un petit peu plus faible densité, mais on est quand même dans la moyenne et forte densité. Mais ces gens-là vont quand même prendre leur voiture pour aller à la gare, pour aller au cœur au TOD? En fait, les recherches en design urbain démontrent que si on a la qualité donc de marchabilité qu'on a déjà parlé ensemble, en 10 minutes de marche, on peut soutenir ce mode-là, peut-être pas par grand froid. Par contre, en vélo, ça se fait très rapidement. Et si le parcours est agréable, si c'est des lignes droites, si c'est animé, sécuritaire, les gens ont tendance à prendre ces distances-là. Ouais. D'ailleurs, le réseau structurant de la Ville de Québec sera planifié en fonction de ces rayons de marche. Donc, on prévoit que le tramway est assez attracteur pour attirer des gens jusqu'à 10 minutes de marche autour de la station. Donc, tous ces quartiers-là pourraient être appelés à être tranquillement restructurés autour des stations. Ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention, planifier avec intelligence le tracé du réseau à ce moment-là. On ne le fait pas passer n'importe où parce qu'il y a des endroits qu'on veut densifier et d'autres qui n'ont pas le potentiel, par exemple. Tout à fait. Et là, il y a deux écoles. Il y a deux écoles de pensée. On l'avait vu d'ailleurs dans le débat sur les tracés là, du réseau structurant. Oui, il y en a qui paraissent passer en haut ou en bas. Exact. Il y en a qui prônaient plutôt le développement, donc de passer dans des territoires plutôt vierges pour développer, alors que d'autres disait, ben non, consolidons d'abord les axes de transport en commun qui fonctionnent déjà. La clientèle est là, donc faisons passer le transport en commun. Du point de vue du TOD, on peut faire les deux. Okay. C'est-à-dire que les deux sont extrêmement intéressants et on trouvera toujours des espaces à réanimer, à réutiliser, que ce soit des vieilles stations-service sur le coin d'une rue, des friches urbaines, des terrains sous-utilisés, des stationnements de surface. Donc, le TOD se nourrit de tous ces espaces de la ville qu'on peut utiliser. Et donc, le groupe de Calthorp ont mis en place des conditions très, très précises pour structurer ces TOD-là. Et c'est ce qui devient intéressant, c'est de connaître connaître ces conditions-là. Donc, d'abord, il doit y avoir une mixité d'usage, on en a parlé, c'est pas juste de l'habitation et c'est pas juste des tours non plus. Il doit donc y avoir différentes densités résidentielles, de formes, de modes de tenure différents. Donc, dans un même TOD, on devrait retrouver, propriétaires, du locataire, du logement social, du logement collectif, du logement abordable. Donc, on devrait, dans ces espaces-là, retrouver plusieurs types pour vraiment favoriser une mixité sociale. Évidemment, on le dit, des activités différentes aussi que le logement. Et ce qui est intéressant, c'est de constater le grand succès de certaines villes qui ont choisi ce mode de développement-là. Celle qui revient le plus souvent, c'est Portland, en Oregon. Ouais. Donc, Portland a été une des premières villes, d'abord, à identifier un périmètre urbain extrêmement sévère. Donc, cette fameuse ligne rouge autour de la ville, au-delà de laquelle on ne développe plus. Et ça, c'est probablement aussi une des... Est-ce qu'on n'a pas quelque chose de comme ça aussi, ici? On a ces périmètres d'urbanisation, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on dézone encore énormément de territoires agricoles pour agrandir ces périmètres d'urbanisation. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire favoriser un mode d'implantation de ces transit-oriented development va aussi avec des mesures très sévères pour limiter le développement périphérique, parce que on peut pas parler des deux bords de la bouche en même temps. Donc l'idée, c'est d'avoir un plan cohérent. Et les corridors à Portland, les corridors de tramway, donc eux appellent un système léger sur rail de surface, ont vu apparaître plein de ces redéveloppements urbains le long de ces axes qui se nourrissent à la fois d'anciens parcs industriels, d'anciens mails commerciaux, de quartiers à revitaliser. Et il y a même des familles de TOD qui sont nées, donc des TOD de voisinage. Des TOD urbains où on a plutôt des pôles d'affaires avec beaucoup plus de fonctions mixtes, des TOD de redéveloppement. Et c'est un exemple extrêmement intéressant. À Boston, on a fait un peu la même chose avec la T-Line. Vous avez tout ce long corridor qui s'en va vers le sud-ouest. Et à chaque station structurante, on a ces gradients de densité qui sont mis en place pour faire du redéveloppement autour du transport collectif. Donc, c'est des modèles. C'est probablement le modèle urbanistique en ce moment dominant et qui est en train de vraiment prendre une grande place, comme je vous le disais au début, autant dans les outils de planification utilisés par les municipalités, notamment la communauté métropolitaine de Montréal, la communauté métropolitaine de Québec encourage ce type de développement. Et là, ben, vous avez aussi les promoteurs immobiliers qui sont ceux qui créent le développement, qui voient une très belle opportunité de développement. C'est ça, il y a une aubaine, là. C'est décernant, mais ils vont pouvoir vanter le fait qu'il y a une station de métro ou de tramway qui dessert le quartier qu'ils vont développer. Ça peut être assez attirant pour les futurs acheteurs. Oui, en effet. Donc, ils sont en train de mettre en place eux-mêmes des développements immobiliers orientés sur le transport en commun. Ce qui a des grands bénéfices, notamment pour le voisinage, parce que on peut penser que si un nouveau quartier est orienté sur les transports en commun, ben qu'on peut limiter le nombre, par exemple, de cases de stationnement et donc limiter l'afflux de nouveaux véhicules. C'est un des commentaires qu'on entend souvent des citoyens lorsque de projets de densification. C'est vrai, on craint toujours une augmentation de la circulation. Exact. Donc, on pourrait penser qu'avec ce mode de développement, mais il faut que ce mode de développement soit mis en place dans une échelle soutenue à grande échelle, parce que c'est bien beau de dire moi je vis sans voiture, mais on comprend très bien par exemple que certaines villes, certaines régions périphériques sont pas prêtes du tout à faire ce changement-là à cause des distances très très grandes. Donc Le TOD doit vraiment être un changement de paradigme important dans la ville. Mmh. Ça peut être progressif aussi. Là. Ça peut être on vit sans voiture pour aller au travail, mais on utilise la voiture pour d'autres occasions en famille. Tout à fait. Ça peut tout être à fait. Progressif. Et de toute façon, on a du travail à faire juste pour faire passer les ménages déjà qui ont souvent deux ou trois voitures à une voiture. Ça serait déjà des gains majeurs. L'idée, c'est pas que tout le monde abandonne la voiture. On peut penser aussi d'autres statistiques récentes nous permettent de penser que c'est un modèle de développement qui va particulièrement bien répondre à la génération Y et les fameux milléniaux. D'ailleurs, j'ai entendu dire qu'il fallait dire millénario, donc pour répondre correctement à l'Office de la langue française. Et donc, dans des sondages récents, notamment effectués par la Société de l'assurance automobile du Québec, on a remarqué des baisses importantes dans ces générations-là. Donc, les 16-24 ans et les 24-35 ans, on a remarqué des baisses importantes de jeunes qui possédaient plus de permis de conduire. Oui, j'ai déjà lu qu'il y avait un retard, une augmentation de l'âge à partir duquel on passait le permis de conduire ou on achetait une voiture. Exact. Avant, cet âge était peut-être, je ne sais plus, de 19 et maintenant il est 24 ans. En tout cas, Parce qu'avant, la voiture était aussi perçue comme une espèce d'outil de libération à la fin de l'adolescence. Tout le monde souhaitait avoir le plus rapidement possible son permis, sa voiture. Alors que là, on remarque que souvent, c'est par nécessité qu'ils vont finir ce groupe d'âge-là par acquérir une voiture. Justement à cause de la conception de leur quartier, de leur ville, en disant j'atteins un certain âge, j'ai des enfants, j'ai besoin d'une voiture, j'ai pas le choix, on entend ça souvent, j'ai pas le choix d'avoir une voiture. Donc le Transit Oriented Development, le TOD, pourrait amener, si c'est bien conçu, si c'est même pensé en fonction des familles, penser que cette génération-là pourrait continuer à habiter dans ces espaces-là avoir de véhicule. C'est ça. Si on leur offre la typologie de logement, d'habitation qu'ils ont, dans lesquels ils ont envie d'élever une famille, dans le TOD. Exact. Ça pourrait. Donc, c'est extrêmement intéressant. Et ça, combiné à d'autres sondages qui nous montrent que les baby boomers, qui ont longtemps été la génération dominante au niveau de la démographie, de plus en plus, eux, ils songent à quitter leur premier logement, leur logement où ils sont propriétaires, les maisons unifamiliale pour se rapprocher des services dans une proportion de 50 % et dans des propriétés un peu plus petites, dans une proportion de 33 %. Donc ça, c'est intéressant. Il y a comme un beau timing en bon français qui nous permet de penser que ce mode de développement-là arrive probablement au bon moment dans nos villes nord-américaines. Mm-hmm. Mais maintenant, si on regarde donc à Québec, il va y avoir donc ce fameux réseau de transport en commun structurant. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut déjà identifier des pôles, des endroits qui deviendraient des TOD? Parce que la ville ne va pas être un TOD à la grandeur, ce sera ponctuel. Donc, est-ce qu'il y a, selon vous, est-ce qu'il y a, selon le tracé, des endroits qui seraient identifiés pour devenir des TOD? Bien, comme je vous disais, il peut y avoir même une typologie de TOD. Chaque TOD n'est pas obligé d'être égaux entre eux. Là. Chacun des TOD peut être différent. Et l'idée, c'est aussi d'admettre que puisque la position des stations d'un réseau structurant a à voir avec une certaine modularité, là, donc on va espacer les stations d'une certaine distance qui va permettre d'avoir une rapidité, une efficacité, chaque station a le potentiel de devenir un TOD. Mm-hmm. Comme je vous disais avec mon exemple de Toronto d'entrée de jeu, c'est chaque vrai. Station de métro. Par contre, dans le réseau structurant de la ville de Québec, on a identifié des endroits polaires très importants où il y a carrément des pôles d'échange où il y a de la rencontre de plusieurs modes de transport structurants, donc des tramways, des trambus, des métrobus. C'est l'exemple, par exemple, du pôle de Saint-Roch, qui va être juste à l'entrée du quartier Saint-Roch. Des trambus, des métrobus et d'autres sortes de parcours réguliers. C'est l'exemple de Destimoville, par exemple, où il y a aussi un pôle qui est identifié. Et donc, ces espaces-là pourraient, de façon très rapide, devenir des TOD structurés autour d'un espace public collectif de grande qualité. Et vous comprenez que l'idée de l'espace public collectif, donc qu'il soit un parc, un espace public, une plaza, un square, appelez-le comme vous voulez, c'est justement de mettre en place, de favoriser la marchabilité, donc de mettre en place, de lancer l'idée que dans le cœur du TOD, on marche. Mm-hmm. dans un modèle européen, même si le TOD est un phénomène nord-américain, dans un modèle européen qui est déjà souvent structuré en TOD, ben autour de la gare, il y a des grandes places de la gare, il y a des faciles. Il y a le café de la gare. Il y a le café de la gare, mais c'est un espace souvent piéton où on peut sortir de la gare à pied et déjà avoir des commerces, des services et de l'habitation pas très loin. Il y a l'hôtel pas loin sur la place de la gare. Donc, ce modèle de développement-là, c'est un modèle qui a fait ses preuves dans les villes les plus anciennes du monde au niveau urbanistique. Et est-ce qu'au Québec, on voit déjà des... Bon, ailleurs, peut-être vers Montréal, est-ce qu'on voit déjà des quartiers s'identifier comme TOD? Oui, bien, c'est rendu un branding. C'est ça qui est un peu l'effet, l'effet pervers. C'est que le TOD vend. Donc, autour de Montréal, en banlieue de Montréal, maintenant, les nouveaux développements immobiliers en banlieue doivent se faire par un modèle de TOD. C'est dans les outils de planification de la communauté métropolitaine de Montréal. Et est-ce que ça reprend les principes de Calthorpe? Ça ne reprend pas tous les principes de Peter Calthorpe. Je pense que Peter Calthorpe serait probablement sévère sur certains TOD, notamment le long des lignes de train de banlieue. Où on a développé finalement des quartiers de banlieue très orientés sur l'automobile, mais avec une gare de train de banlieue. Donc, et on a dit c'est un TOD parce qu'il y a des services. C'est un petit peu plus dense que d'habitude, mais souvent on retrouve pas du tout les caractéristiques de marchabilité qui font que même les gens des voisinages autour vont marcher vers la gare. Souvent on a accompagné la gare d'un immense stationnement qui lance aussi le signal, ben vous êtes bienvenue en voiture. C'est ça. Donc même si on habite trois rues à côté, la voiture est solidement ancrée dans nos mœurs. Donc ces TOD-là sont pas encore, ont pas encore atteint l'efficacité des TOD de Portland en Oregon, des TOD, des nouveaux TOD qu'on voit à Vancouver, des TOD qu'on voit à Toronto, où on voit carrément une partie de la population vivre sans voiture dans ces quartiers-là. Ouais. Et rapidement aussi, est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement avec les écoquartiers? Est-ce qu'un écoquartier peut être un TOD ou est-ce que c'est un mélange ou deux choses différentes? Parce qu'on parle des écoquartiers à Décimoville, à Pointe-aux-Lièvres. S'il y a une station de tramway, est-ce que c'est appelé à devenir un TOD? Ou... En fait, on pourrait même le dire à l'inverse. Un écoquartier devrait être un TOD, un Transit Oriented Development. Vous savez que dans les écoquartiers, une des conditions principales, c'est d'être extrêmement bien desservi par le transport en commun. C'est aussi d'avoir des espaces publics de grande qualité. Donc, nécessairement, un ne va pas sans l'autre. Et d'être diversifié. Et là, toute la mixité. L'écoquartier va plus loin parce que là, en plus, on donne des critères sur l'architecture des bâtiments, la gestion des ressources, l'eau, l'énergie. Ah oui, parce que le TOD ne dit rien sur la qualité l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est pas inclus dans le TOD. Le TOD est vraiment un concept urbanistique qui vise à faire des morceaux de ville plus compacts, avec des nœuds, des noyaux très compacts, et d'admettre que certaines portions du territoire demeureront soit non développées, soit développé avec le modèle qu'on connaît déjà de très faible densité. Donc, c'est un modèle qui admet qu'on ne développe pas la ville également d'un bout à l'autre en montant tous les édifices à 6 étages. Voilà. Comme on connaît à Paris. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. Très bien. Ben, probablement qu'on va encore entendre parler des TOD, donc ultérieurement avec le développement, la mise en place de ce transport structurant, TOD sera de toutes les discussions les prochaines années avec tous ces projets de transport en commun. Alors, merci beaucoup, Éric, de nous avoir introduit à cette notion du TOD. Fait plaisir. Puis je rappelle que vous êtes donc Éric Savard, architecte et également chargé de projet, chargé de... j'ai encore dit Éric Savard. Éric Rivard. Éric Rivard, chargé de cours également en design urbain à l'université, à l'école d'architecture de l'Université Laval. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et on passe rapidement en publicité et au retour, on vous parle du mois de la nutrition.